Fatimatae. Je suis touché, mais je te pardonne. Fatimatae. Oh ma belle, oh ma belle. Rumba music. Ta façon d'aimer, c'est pas joli, c'est pas gentil, façon comme ça. Ta façon d'aimer, doudou, c'est pas joli, c'est pas gentil, vraiment Fadi. Ta façon d'aimer, chérie, jaloux, jaloux, jaloux, jaloux, t'es trop jalouse. Tu vois même devant les gens, tu perds la tête, c'est pas gentil, oh ma belle. Parfois même devant nos invités, tu perds la tête, c'est pas gentil, oh ma belle. Façon comme ça. Ta façon d'aimer, doudou, c'est pas joli, c'est pas gentil, vraiment fatigué. Ta façon d'aimer, chérie, jaloux, jaloux, jaloux, jaloux, t'es trop jalouse. Tu vois même devant les gens, tu perds la tête, c'est pas gentil, oh ma belle. Parfois même devant nos invités, tu perds la tête, c'est pas gentil, oh ma belle. Elle travaille au plateau, elle ne roule qu'en taximètre. Elle m'a fait tourner la tête à cause de sa beauté. Elle a un corps pété pété, elle a un corps sembé sembé. De caméléon, elle ne boit que le bandit, Fatimata. Le bandit de Yamoussoukro. Quand elle arrive à Dakar, Fatimata. Elle n'habite qu'aux Almadi. Tout cela pour m'impressionner. Fatimata. Je suis tombé malade. Fatimata. Voilà moi traumatisé. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Fatimata. Abidjan là, tu n'as pas dit que tu mouais. Voilà fait, tu n'as qu'à mouer maintenant.